sonnait. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Là, te plains-tu? Ça que ce mal j'apaise en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Lors, double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelques folies. Toujours suis mal, vivant discrètement et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie.